Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alex Marchand vient nous parler de l'AGEQTR, Mathieu Plante fera son apparition téléphonique, mais aussi David Ferron. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 6 avril 2017, à simplement 21 jours de la fin de l'année scolaire. On lâche pas, il en reste pas longtemps. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Oui, je m'appelle Tania Baudin, en remplacement complet de Mathieu Plante pour encore quelques temps. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez l'avoir un petit peu plus tard dans l'émission pour son apparition téléphonique. On va aussi avoir Alex Marchand, si tout se passe bien, à 8 heures pour la chronique de la GEUQTR. Donc, on va savoir ce qui s'est passé dans les derniers jours avec la GE, mais aussi ce qui s'en vient pour le dernier sprint final vers la fin de la session. Aussi, David Ferron viendra faire une apparition, probablement parler de musique si on se fie à la conversation qu'on a eue hier sur l'heure du dîner. Mais aussi, vous et moi, on va discuter en fait un petit peu de mise en forme aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi pas, le jeudi en temps normal, c'est une grosse pointe à l'adresse. Si tout se passe bien, on devrait la faire au téléphone avec Mathieu en fin d'émission. J'ai essayé de lui envoyer ce que je voulais, alors j'espère qu'il y a eu le temps d'aller le chercher et tout ça, mais on va voir à la fin d'ici la fin de l'émission si tout ça a fonctionné. Je tiens à remercier Renard Frac pour le remaniement aujourd'hui de ce thème musical, et si jamais vous voulez tous les détails, assez facile, vous allez au www.assemblagerequis.com. Donc, émission quand même assez chargée aujourd'hui, mais je me suis dit on va tout de même commencer ça en musique avec une pièce du palmarès francophone. On parle de Premier Contact de Le Couleur. On se retrouve tout de suite après à Assemblage Reiki. Je t'ai solitaire. Le Couleur, premier contact dans l'assemblage Reiki sur les ondes de Cifou 89.1 FM ce matin. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes comme moi, bien vous n'avez pas encore pris votre première gorgée de café, c'est quand même assez surprenant. Mais c'est un genre de matin comme celui-là où on est un petit peu à la course, je vous dirais. Mais on va quand même prendre le temps ce matin de prendre le temps de se mettre en forme. Tiens, on va dire ça comme ça. Tout ça dans la chronique Tania is gonna entertain ya. Que oui, on parle remise en forme ce matin. Je veux vous parler de remise en forme. Il y en a peut-être qui vont rire, en fait, de la façon dont je vais vous en parler. Mais cette semaine, j'ai décidé de renouer avec une activité que j'avais fait il y a quelques années avec une de mes amies. Et je dois vous avouer que j'avais trippé comme ça, aucun bon sens sur ce type de mise en forme-là. Je vous parle, en fait, de l'aquagym. Il y en a plusieurs qui vont appeler ça aussi de l'aquaforme. C'est comme vous voulez. C'est vraiment la même chose, mais l'aquagym, pour ceux qui ne savent peut-être pas, bien c'est une forme de gymnastique qui se pratique dans l'eau et le plus souvent ça va être en piscine, bien évidemment. Donc la pression de l'eau, ça va éviter les chocs et ça va minimiser aussi le risque, par exemple, de courbatures, de claquage avec les muscles, mais aussi de d'élongation musculaire. Donc tu restes quand même, t'as quand même une sensation de légèreté puisque tu flottes à un certain moment, mais lorsque vous sortez de l'eau, oh my god! Donc, je me souviens que j'avais tellement trippé. J'ai cherché ici à Trois-Rivières pour pouvoir en faire. J'ai trouvé une place. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la chronique, mais c'est une discipline qui peut être pratiquée vraiment sans limite d'âge. Donc, on peut avoir vraiment n'importe quel âge pour pratiquer l'aquagym, qu'on soit nageur, qu'on soit débutant ou qu'on soit un habitué de l'aquagym. Il n'y a pas vraiment d'âge pour pouvoir arriver à faire quelque chose avec cette remise en forme-là. Donc, c'est un sport quand même qui permet de travailler différents groupes musculaires. On parle entre autres des abdominaux, des fessiers, des cuisses, des bras et des épaules. Donc, parfois, ça peut se pratiquer en musique, comme un petit peu les cours de Zumba que vous pouvez avoir dans certains gyms, ou encore le kickboxing dans le temps, quoique je pense que ça existe toujours. Mais parfois, ça va se faire en musique comme ça, et ça va donner un rythme aussi aux séances que d'avoir de la musique. Donc, quelle est l'histoire, en fait, de l'aquagym ou de l'aquaforme? Bien, c'est né en France, et la gymnastique aquatique, c'est devenu de l'aquagym dans le langage courant, après l'apparition du livre qui portait le même nom, qui a été écrit par Mme Christiane Gourlaen, qui est une auteure, vous l'aurez deviné, mais qui, si je me souviens bien aussi, était pas mal proche du monde de l'aquatique, du monde de la natation. Donc, le terme aquagym s'est déposé et ça peut pas être utilisé sans autorisation en temps normal. Donc, on va dire aquaforme pour le restant de la chronique, pour pas que je reçoive un téléphone me disant que j'ai pas nécessairement le droit de faire ça. Mais en France, en fait, ce sont les maîtres nageurs sauveteurs. Donc, vous savez, ces lifeguards-là qui vont avoir une nouvelle formation qui va venir vraiment mettre une branche à leur sauvetage et ils vont pouvoir donner et enseigner les cours d'aquaforme en ayant une rémunération. Donc, il n'y a aucun brevet de qualification, en fait, qui permette de donner des cours d'aquaforme. C'est vraiment l'enseignement qui peut choisir de son propre cours dans ou à l'extérieur de l'eau, avec ou sans musique. Et chaque enseignant a sa propre façon, de mener cette activité-là de A à Z. Donc, le travail dans l'eau, ça va permettre de se mettre au contact des usagers, de les aider dans les exercices. Ça va nécessiter aussi une certaine aisance dans le milieu aquatique, c'est sûr, mais le travail en dehors de l'eau, quant à lui, peut permettre la bonne exécution des mouvements. Et souvent, c'est comme ça que les profs d'aquaforme vont commencer le cours. C'est qu'eux vont être à l'extérieur de la piscine, ils vont vous montrer le mouvement et par la suite, vous allez être ceux qui vont l'exécuter dans l'eau. Donc, à noter qu'en France, en fait, l'aquaforme, ça peut pas être enseigné par nul autre que les sauveteurs. Mais ici, c'est complètement différent. Donc, l'aquaforme, dite moderne, en fait, parfois appelée de l'aquafitness aussi, ça peut regrouper toutes sortes de remises en forme dans l'eau. Je vais vous en parler encore un petit peu plus tard. Mais avant ça, je voulais vous présenter quelques raisons qui pourraient peut-être vous donner l'eau à la bouche de vouloir essayer l'aquaforme. Donc, la première, c'est que l'aquaforme, c'est plus réservé aux grands-mères. J'ai souvent dit ça à certaines de mes amies. Hey, « je me suis inscrit à un cours d'aquaforme, je suis capable, blablabla. » Et la plupart du temps, ces gens-là riaient de moi. Je me demandais pourquoi. et j'ai vite compris, en fait, que dans le temps, c'était quand même relié à un certain point à la mise en forme pour les personnes qui étaient beaucoup plus âgées. Donc, si vous êtes une nageuse dans la vingtaine ou si vous n'êtes pas nécessairement certain que l'aquaforme, ça serait assez exigeant pour vous, bien sachez qu'au bout de 10 minutes, vous allez probablement être convaincu. Parce que vous devez travailler très dur pour vous enlever l'idée, en fait, de la tête que l'aquaforme, c'est pour les personnes qui sont soit blessées, soit qui sont âgées ou soit qui souffrent d'embolie. Point. Pourtant, les personnes les plus jeunes qui sont très en forme peuvent aussi tirer des bienfaits de l'aquaforme, donc pensez-y un petit peu. La deuxième raison pourrait être un entraînement sur mesure. C'est que quel que soit votre niveau de forme, l'entraînement dans l'eau, ça peut vous être profitable. Votre moniteur va vous présenter toutes sortes de variantes qui vont permettre d'augmenter ou de diminuer le degré de difficulté des mouvements et vous allez toujours avoir l'espèce de loisir de les faire à votre propre rythme. Donc, vous pouvez quand même utiliser une ceinture de flottaison ou encore ne pas la mettre, ce qui va vraiment faire travailler votre cœur beaucoup plus fort. Donc, vous avez certaines possibilités, en fait, de pouvoir augmenter vos difficultés dans les mouvements qui vont vous être demandés. Le point numéro 3, c'est que jamais, jamais vous allez vous sentir aussi bien en maillot. Ça, on vous le garantit. Contrairement, en fait, aux autres cours de groupe, par exemple la danse ou l'aérobie, bien l'aquaforme, c'est pas une activité compétitive. Donc, comme vous êtes dans l'eau, il n'y a pas personne qui va savoir si vous avez fait mal un mouvement autre que vous. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du jugement des autres. Et il y a de nombreuses femmes qui pensent que, justement, elles arrivent à mieux se concentrer sur leurs mouvements quand elles ne sont pas préoccupées de suivre le rythme ou de l'allure des autres. Et le fait qu'on est dans la piscine, de se mettre en maillot de bain, déjà en partant, ça peut être assez décourageant pour certaines personnes, mais on est dans l'eau. Personne ne se voit autre que si tu descends vraiment en dessous de l'eau et que tu décides de regarder tout le monde en maillot, mais ça serait quand même assez bizarre dans un cours d'aquaforme. Donc, se mettre en maillot de bain, ça peut décourager certains, mais un entraînement en aquaforme, c'est vraiment une occasion extraordinaire de se rappeler que le corps, c'est pas seulement ornemental, mais c'est aussi instrumental. Donc, vous allez vraiment pouvoir travailler avec les gens qui vont faire partie du même groupe que vous. Et bien souvent, c'est là qu'on va voir l'espèce de fraternité sortir de ces cours-là. Le point numéro 4 pour une raison d'essayer l'aquaforme, eh bien, c'est les possibilités sont infinies. Comme il y a de plus en plus de gens qui découvrent justement les bienfaits de l'entraînement dans l'eau, il y a les piscines publiques, les centres communautaires, ils offrent tous quand même des gammes de cours qui sont spécialisées. Vous allez pouvoir avoir à certains moments de la course au yoga en passant par le tai chi, mais tout ça dans l'eau. Il y a quelque chose aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps, approximativement 1 à 2 ans, si je me souviens bien, et c'est le vélo dans l'eau. Vous allez comme avoir une espèce de vélo stationnaire boulonné au fond de la piscine et vous allez, bien évidemment, ça va se faire dans le pas creux, là, inquiétez-vous pas. Mais vous allez vraiment travailler tout ce qui est l'entraînement du bas du corps à son maximum, mais sans nécessairement en avoir les brûlures à ce moment-là, puisqu'on se retrouve dans l'eau. Donc, lorsque vous allez sortir de la piscine, par exemple, ça se peut que vous passiez 5 jours sans marcher ou sans pouvoir faire un pas. Là. Parfois, ça peut être quand même assez difficile de voir à quel point on a travaillé et qu'on pensait pas qu'on travaillait autant. Donc, pour les personnes qui craignent l'eau ou qui ne savent pas encore nager, bien, on vous offre des cours en eau peu profonde, tandis que d'un autre côté, bien, il y a les femmes enceintes et les jeunes mamans aussi qui peuvent bénéficier de cours prénataux et de cours post-nataux qui vont les aider à rester actifs quand même, et ce, même avec bébé. Donc, c'est le fun. Ça donne vraiment plusieurs possibilités. La cinquième raison pour pouvoir essayer l'Aquaform, eh bien, on parle d'un entraînement qui est croisé. L'Aquaform, ça peut contribuer à améliorer vos performances dans les activités avec certaines personnes. Par exemple, la course, la danse ou dans des sports comme le soccer ou la balle molle. Donc, grâce à la flottabilité de l'eau, vous allez renforcer vos muscles, vous allez améliorer votre forme cardiovasculaire sans nécessairement soumettre votre corps à une usure qui va être supplémentaire, et vous allez vous en sortir fortifié, rafraîchi, ça c'est sûr. Ah, excusez. Et mieux préparé. Donc, pour le moment, vous allez à donner votre maximum, bien évidemment. C'est sûr que la mise en forme en eau, ça va beaucoup dépendre de vous. Parce que si vous décidez que vous ne voulez pas nécessairement mettre tout l'effort sur ce que vous avez à faire, les mouvements que vous avez à faire, bien, c'est vous qui allez en avoir les répercussions, veut, veut pas. Donc, c'est pourquoi l'Aquaform, c'est également extraordinaire pour les personnes qui se mettent justement à se remettre en forme à la suite de certaines blessures. C'est qu'on va aller fortifier les muscles sans nécessairement fatiguer les articulations qui vont être vulnérables. Par la suite, sixième raison pour laquelle vous devriez essayer l'Aquaform, eh bien, c'est un équilibre musculaire. Donc, l'Aquaform, ça va contribuer à rétablir l'équilibre entre les groupes de muscles que les gestes ou les mouvements répétitifs vont vous aider à développer de manière inégale. Donc, l'entraînement dans l'eau, ça fournit quand même une bonne résistance égale pour toute l'amplitude des mouvements, et c'est un phénomène qui est connu sous le nom de double action concentrique du muscle. Oui, oui, c'est très, très long comme titre, mais... En quoi est-ce que ça consiste tout ça? C'est selon Charlène Kopanski, qui donne par exemple l'exercice du base du kick. Quand on va redresser la jambe dans l'eau, les quadriceps vont se raccourcir tout en dépensant de l'énergie et en facilitant l'extension au niveau du genou. Donc, la partie inférieure de la jambe va quand même exercer une poussée sur l'eau, ce qui va lever la charge. Puis, par la suite, vous aviez, par exemple, les ischio-jambiers qui, eux aussi, vont se raccourcir tout en dépensant de l'énergie pour ramener le talon vers les fesses. Le dos du mollet va pousser l'eau vers l'arrière et le haut. Donc, ça a pour effet d'équilibrer l'action des muscles autour du genou. Et si vous avez des blessures, bien, c'est excellent pour ça. La septième et la dernière raison que vous devriez peut-être vous dire que vous allez vous mettre à l'Aquaform dès la semaine prochaine, eh bien, c'est un entraînement pour l'ensemble de l'organisme. C'est pas trop, trop compliqué. C'est pas seulement le cœur et les muscles qui vont bénéficier de l'Aquaform. L'entraînement dans l'eau, ça a vraiment des effets positifs sur les organes internes et aussi sur le système lymphatique. Donc, la pression hydrostatique, la turbulence, la flottabilité de l'eau va tout venir faciliter le retour veineux, donc c'est-à-dire le retour du sang vers votre cœur, et aussi le drainage lymphatique. Donc, ce sont des bienfaits qui sont additionnels, qui expliquent pourquoi les participants se sentent aussi bien aussi après un cours. C'est que le corps est rafraîchi plutôt qu'il est épuisé. Donc, le fait que de mettre ça dans... de faire cet entraînement-là dans l'eau, ça vient faire en sorte que c'est beaucoup plus facile à un certain point, entre guillemets. Mais ça reste quand même très, très, très demandant au niveau des muscles, au niveau de tout ce qui est cardiovasculaire aussi. Donc, les bienfaits de l'aquagym, bien, on le sait là maintenant, c'est on peut faire de l'aquagym pour éviter les blessures. Donc, c'est quand même un pur bonheur parce que dans l'eau, votre corps ne pèse que le tiers de son poids normal. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux et toutes celles qui ne sont pas des sportifs aguerris ou encore qui, comme je le disais, veulent se remettre à l'entraînement après une certaine blessure ou peu importe. Donc, les efforts peuvent paraître beaucoup moins importants. Mais l'aquagym, ça limite les risques de démotivation parce que c'est un sport qui est intéressant et ça permet aussi de réduire le risque de blessures comme les claquages et les contractures, comme je le disais tout à l'heure. Donc, vos articulations sont beaucoup moins sollicitées et ça va donner que dans l'eau, votre corps va subir ne subira pas la totalité de son poids. Donc, l'aquagym va permettre aux personnes qui sont en surpoids, par exemple, de pratiquer une activité qui brûle des graisses, qui va muscler, mais aussi qui va détendre. Par la suite, oui, un des bienfaits de l'aquaforme, c'est que vous allez pouvoir retrouver la ligne. Donc, l'aquagym ou l'aquaforme, c'est un sport qui permet de perdre du poids et de se muscler, attention, rapidement. Parce que dans l'eau, la résistance est beaucoup plus importante que dans un entraînement ou dans un gym normal. Donc, le corps va accomplir des efforts qui sont supplémentaires pour réaliser justement les exercices. Donc, si on regarde ça comme ça, en 30 minutes d'exercice d'aquagym, vous pourriez réaliser l'équivalent d'une séance de sport d'une minute et demie. On s'entend, si vous faites un 60 minutes, c'est comme si vous veniez de faire 3 heures de gym. Imaginez le lendemain matin lorsque vous allez vous lever. C'est sûr que de s'étirer après un cours d'aquaforme, ça fait du bien. Donc, faites-le si jamais vous en avez envie. Mais ça va vraiment venir former votre corps et vous allez retrouver la forme, retrouver la ligne quand même extrêmement rapidement. Donc, l'aquaforme, ça a l'avantage d'être un sport qui est très complet. Vous allez pouvoir travailler vos bras, vous allez travailler votre dos, vos jambes, vos abdominaux, mais tout va se faire de façon extrêmement rapide parce que vous allez voir le contraste entre votre taille qui s'affine, vos fesses et votre poitrine qui va se raffermir, mais surtout, l'eau va masser votre corps et ça va agir un petit peu aussi contre la cellulite. Donc, dans l'eau, les mouvements qui vont permettre d'agir sur la circulation sanguine, sur l'élimination des toxines, et vous allez pouvoir aussi ajouter l'effet massant. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur trio gagnant pour se dire qu'on peut s'inscrire à un cours quelconque. Et aussi, bien, vous avez plusieurs, comme je le disais tout à l'heure, différentes formes d'aquaforme. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez plusieurs types d'aquaformes différents. Vous avez par exemple l'aquajogging. Qu'est-ce que l'aquajogging? Eh bien, ça va consister à reproduire en milieu aquatique, donc toujours une fois dans la piscine, les mouvements de la course à pied. Ça peut se pratiquer les pieds au sol ou encore en eau profonde et souvent c'est conseillé pour récupérer d'une blessure. Donc en eau profonde, les aquajoggeurs, eux, sont équipés d'un gilet et d'une ceinture aussi qui va leur permettre de flotter et l'effort va être beaucoup plus intense en eau profonde. Donc grâce à la pression de l'eau, le sang va remonter beaucoup plus aisément vers le cœur lorsque la fréquence cardiaque va augmenter. Si on souffre par exemple d'un mal de genou ou peu importe et qu'on peut pas nécessairement aller faire du jogging à l'extérieur ou aller faire du jogging au gym, bien l'aquajogging, on va en souffrir beaucoup moins que justement lors d'un jogging normal. Vous avez aussi l'aquafitness. L'aquafitness, c'est un cours, c'est une forme d'aquaforme tonique dont le but, en fait, est de modeler son corps et d'améliorer sa condition physique. Donc, c'est un sport qui est intense. C'est beaucoup plus épuisant, oui, que l'aquaforme classique. Et l'exercice va commencer généralement par un échauffement qui va être dans l'eau. Ça va être suivi de plusieurs mouvements. Donc, par exemple, les ciseaux, le jogging, les sauts, la pendule. Vous allez avoir aussi des coups de pied. Et la durée moyenne d'un cours est de 50 minutes. Vous allez pouvoir le répéter 2 à 3 fois semaine pour obtenir des résultats sur votre silhouette. Et pour pratiquer l'aquafitness, on peut utiliser différents accessoires. Donc, vous allez parfois avoir la possibilité d'utiliser des frites qui sont en mousse, des ballons, des flotteurs, des planches. Vous allez parfois aussi avoir des marchepieds. Donc, la moyenne d'âge des gens qui pratiquent de l'aquafitness est souvent inférieure à celle qui sont adeptes de l'aquaforme. Parfois, dans certains, ça dépend où vous allez, mais si, par exemple, vous vous inscrivez dans un cours d'aquaforme, je sais pas moi, dans un centre multiplus ou peu importe, bien, parfois, ça peut arriver que l'aquafitness va être ajouté à votre aquaforme parce qu'on essaie d'en faire vraiment une espèce de mash-up de toutes les différentes sortes d'aquaformes qu'il existe. Par la suite, vous avez l'aquaboxing. Donc, c'est inspiré, bien évidemment, des arts martiaux. L'aquaboxing, c'est une forme de body combat, en fait, de combat de corps qui est pratiqué dans l'eau. Donc, un aquaboxeur va être équipé de gants de boxe qui vont être spécifiques et qui vont exécuter aussi en musique une chorégraphie dans l'eau. Cette chorégraphie-là va être faite de coups de poing et de coups de pied. Et l'aquaboxing, c'est un sport qui est tonique, lui aussi, et qui va permettre, bien évidemment, de se défouler à son maximum. Donc, ça va améliorer, veux pas, votre rythme cardiovasculaire. Ça va aussi renforcer les muscles et ça va permettre de travailler votre équilibre. Par la suite, vous avez l'aquapower. La spécificité, en fait, de l'aquapower, ça réside dans les équipements. Donc, c'est un sport qui se pratique équipé d'haltères aux bras. Vous allez aussi avoir des petites bottes aux pieds. Donc, c'est des petites bottes qui sont quand même assez étranges, mais qui sont légères sur la terre. Mais un coup que vous allez sauter dans l'eau, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas vous noyer, mais elles vont être plus lourdes. Donc, vous allez pouvoir vraiment travailler au niveau du bas du corps avec un poids quelconque. Et l'aquapower, eh bien, ça se pratique en eau profonde. C'est un sport qui permet d'optimiser, là, en fait, le travail musculaire. Ça va aussi galber votre silhouette et ça va vous aider à perdre quelques kilos. Donc, il faut faire attention parce que l'aquapower, c'est quand même déconseillé aux personnes qui souffrent de problèmes cardiaques parce que c'est très, très demandant vu, justement, qu'on est tout le temps en flottaison, mais avec un certain poids dans de l'eau profonde. Par la suite, vous avez l'aquabiking, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ou encore ça peut être appelé l'aquavélo. Donc, l'aquabiking, c'est une variante de l'aquaform, mais qui se pratique à l'aide d'une sorte de vélo qui est posé sur le fond de la piscine, comme je le disais, qui est boulonné au fond de la piscine. Ça ressemble vraiment en fait à un vélo stationnaire. Et l'aquabiker, ben, lui, doit se revêtir de chaussons en caoutchouc qui vont lui permettre de maintenir les pieds dans les pédales. Donc, il y a plusieurs muscles qui vont travailler encore une fois avec ce sport-là, les cuisses, les abdos, les mollets, on va surtout aller chercher une remise en forme de tout ce qui est du bas du corps. Donc, les résultats sont visibles, en fait, sur la tonicité, oui, des muscles et sur l'effet peau d'orange. Donc, tu sais, cette fameuse cellulite-là qu'on n'aime pas tout le temps, au bout de quelques séances seulement, vous allez pouvoir voir que tout ça, ça s'est amélioré. Donc, l'avantage, en fait, de l'aquabiking, c'est que l'eau rend les séances beaucoup moins fatigantes et ça atténue aussi les risques de courbatures. Il y a vraiment plusieurs sortes d'aquaformes différentes. Entre autres, il y a de l'aquabuilding. Qu'est-ce que l'aquabuilding? C'est une forme de bodybuilding, mais aquatique. Donc, il y a un sport qui va être pratiqué et qui va être équipé d'haltères hydrobells et de bottes hydroboots, plus ou moins remplis d'eau selon l'effort qui va être recherché. Mais les mouvements sont tout de même avec des haltères qui vont être dites normales. On va soulever les bras, on va soulever les jambes et le but recherché, bien évidemment, ça va être d'augmenter sa masse, oui, musculaire plus que d'autres choses. T'sais, ça vous allez pas nécessairement, dans l'aquabuilding, travailler votre cardiovasculaire. Ça va vraiment se concentrer sur la masse musculaire plus que d'autres choses. Donc, c'est un beau projet que de se dire qu'on pourrait essayer l'aquaforme, en fait, parce que moi, je trouve que ça met vraiment en forme assez rapidement. Si on y va avec plusieurs séances, ça peut devenir très, très, très intéressant. Mais aussi, si vous êtes intéressé, bien, à Trois-Rivières, j'ai trouvé qu'il y avait trois places où on pouvait pratiquer ce sport-là. La première place, c'est ici au CAPS de l'UQTR. Donc, il y a des cours d'aquaforme qui se donnent. Il y a aussi des cours de natation normal, si jamais ça vous intéresse. C'est pas très, très dispendieux que vous soyez membre ou non membre, mais il faut vraiment regarder les dates, en fait, des sessions où il va y avoir les cours, parce qu'à ce moment-là, c'est un petit peu plus difficile de pouvoir adhérer aux cours si on entre, par exemple, en plein milieu de session, parce qu'on n'aura pas nécessairement droit à toute la session complète. Par la suite, il y a aussi l'endroit qui s'appelle Fleur d'eau. C'est à Trois-Rivières-Ouest. Ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est aquaforme, mais tout ce qui est natation d'enfants aussi. Donc, les cours en temps normal de natation, moi, je me rappelle, quand j'étais au primaire, on avait des cours à un certain moment de comment apprendre à nager, et c'était à Fleur d'eau que ça se passait. Donc, encore une fois, il y a des sessions là aussi. Il faut prendre le temps, en fait, de faire une petite recherche, à savoir lequel des cours nous intéresserait le plus. Et le troisième endroit à Trois-Rivières où vous pouvez pratiquer cette forme d'entraînement-là, c'est au Centre Multiplus. Donc, vous allez vous inscrire, en fait, sur le site Internet du Centre Multiplus, mais vous allez vous entraîner à la piscine du Cégep de Trois-Rivières. Et là, vraiment, avec le Centre Multiplus, vous avez tellement de diversité de sortes d'aquaformes que c'est sûr et certain que vous allez trouver quelque chose qui va être pour vos goûts à vous. Par contre, faites attention avec le Centre Multiplus. Ce sont les heures auxquelles on peut s'inscrire. C'est quand même assez difficile de pouvoir avoir un cours qui va se faire en soirée. Donc, la plupart du temps, si tu t'inscris à un cours, tu te dis que tu aimerais quand même y aller après, par exemple, je sais pas, après 18h30 ou après 19h. Eh bien, faites attention, vraiment, faites une recherche quand même assez approfondie de quel type de cours vous voulez faire avec le Centre Multiplus, parce que ça pourrait être à un certain point quasiment problématique. problématique de ce côté-là parce que c'est pas les, tous les cours qui se donnent à partir de 18h30. Voilà, c'était ma chronique sur la remise en forme dans l'eau. J'ai vraiment hâte, je me suis réinscrite à un cours qui justement va se donner au Cégep de Trois-Rivières et je pense que je vais vous faire un petit retour sur comment ça s'est passé après le premier cours. Au retour de la pause, eh bien Alex Marchand de la GEUQTR devrait être parmi nous, tout cela à Sablage Requis. Vous êtes assez fous. 89.1. Oh que oui, je le disais toujours dans l'assemblage requis. Dans quelques instants, on devrait avoir Alex Marchand de la GEUQTR qui va venir justement discuter avec nous de tout ce qui s'est passé durant les derniers temps au niveau de l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Mais avant ça, je me suis dit pourquoi pas aller en musique et je vais vous offrir The Swan Brothers. En fait, c'est un groupe américain. Vous allez voir, c'est style folks country avec la pièce Don't Call Me. Et au retour, eh bien, on parlera à GEUQTR. Why'd you let me pay the band to play our favorite song again? Why'd you let me kiss your lips, let me think I had a chance? Why'd you let me pick you up just to leave the scent of your perfume in my truck? Why'd you wait to say what you said till your second glass of red? Don't call me. Why'd you let me have a first and last dance in the hundred in between? Why'd you ask for promises that you knew you couldn't keep? Why'd we make those front porch plans if you knew it wasn't me? Don't come. Don't let my phone light up. I know you know I ain't strong enough. Swan Brothers, Don't Call Me, sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM ce matin. Je me disais que ça fitait. Ça aussi, ça met un petit peu plus de soleil dans sa journée que là, ce qu'il y a à l'extérieur présentement. Ne vous inquiétez pas, à un certain point, le printemps va vraiment arriver. J'espère. Alex Marchand est en studio avec moi. Bon matin. Bon matin. Ouais, j'imagine que le printemps va arriver à maintenant, Alex. On espère tellement, là. Ah, ça ferait du bien, en tout cas. Faut pas oublier que le printemps, par exemple, ça l'inclut un peu aussi. Tu fais un peu de pluie, là. Faut quand même. C'est vrai. C'est plate. On aimerait ça avoir le gros soleil tout de suite pendant deux semaines back-à-back, mais non. C'est boiteux la plupart du temps, hein, ouais, le printemps. C'est vrai. Il y a des odeurs qui commencent à ressortir de la neige aussi. T'sais, on a comme oublié pendant l'hiver qu'on avait des glandes olfactives, mais. Ça dégèle. Ah, c'est ça. Exactement. Alex, ta chronique de l'AGE UQTR ce matin, en gros, là, avant qu'on parte ton jingle, de quoi tu me parles? Je vais parler d'une couple d'affaires. On a eu une assemblée générale la semaine dernière. On a eu une activité 5 à 7, une tribune libre, un conseil d'administration en fin de semaine. Puis en plus, bientôt, aujourd'hui, c'est la matinée en 180 secondes. Je vais vous parler un peu. C'est vrai. Ainsi que bientôt, ça va être en fin de semaine. En fait, on monte en Abitibi. On part aujourd'hui. Et pour aller à l'Assemblée générale annuelle de l'Union étudiante du Québec. Puis il va rester aussi, on commence à rentrer en période de transition. Là. Nos élus du conseil exécutif de l'année prochaine ont été entérinés cette fin de semaine par notre conseil d'administration. Donc je vais vous faire un peu l'éloge des nouveaux élus. Bien voici la chronique de l'AGEUQTR. Oui. AGEUQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEUQTR parce que l'AGEUQTR, ça n'a pas d'âge. Yo! Pro! Ok, oui, c'est passé pas mal de choses du côté de l'AGEUQTR, tu le disais. Oui. Tu veux commencer par quoi? Par l'Assemblée générale? Ben oui, pourquoi pas. D'accord. Donc, on a eu une Assemblée générale le mercredi dernier qui tombait le 29 avril. Je m'en rappelle bien, on le temps d'avril présentement, c'était le 29 mars. 29 mars. Nuance importante. On est quand même un mois de différence entre les deux. Grosse fin de session. Ah oui. Surtout que le 29 avril tombe un samedi, ça aurait été merveilleux. Donc, 60 étudiants se sont réunis de peine et de misère, étant donné qu'en plus, il y avait levé de cours. On a eu de la misère à avoir quorum. C'est sûr que je peux comprendre que les règlements généraux, c'est pas le point à l'heure du jour qui est le plus sexy au monde. Mais quand même, on a un travail à faire sur la mobilisation, le GEQTR, le nouvel exécutif. On est bien au courant. On s'est rencontrés aussi en comité des affaires institutionnelles la semaine dernière. Puis on est en révision de nos comités. En fait, on est en train un peu de synthétiser ça. Puis on a mis sur pied un comité spécial de mobilisation, justement, avec différents acteurs qui vont être un peu centraux dans la mobilisation étudiante, qui va devoir se pencher sur la question lors du prochain mandat. Donc, on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Oh oui, clairement. Il y a aussi eu, comme tu le disais, un 5 à 7 du personnel. Oui, exactement. Ça s'est passé le même jour. Écoute, la journée de mercredi a été particulièrement rempli. Exactement. Donc, 5 à 7 du personnel avec la pizza et de la bière. Oh. Les étudiants ont bien apprécié. Il y a aussi du personnel de l'UQTR qui était présent. Donc, on a pu échanger sur plusieurs sujets. Ça a été bien intéressant. Tribune libre, dis-moi, qu'est-ce que c'était? Oui, c'était celle de... je ne me rappelle pas exactement du nom de la personne. Je vais vous le dire dans quelques secondes. Mais en fait, c'est... je l'ai toujours pas, mais bref, c'était sur une discussion autour de l'islam, mythe et réalité. Okay. C'était vraiment intéressant de voir un peu la vision un peu historique puis tous les éléments qui entourent l'islam dans un autre contexte, en fait. C'était par M. Lamine Foura, qui est docteur en... excusez-moi, je vais l'avoir... C'est long, Facebook. C'est pas grave, je vais vous en parler plus tard. Donc, c'est quand même super intéressant. Puis ça s'est passé du côté du pavillon Ringuet dans une salle de classe. Il y avait quand même beaucoup de monde pour une tribune libre. Tribune libre, honnêtement, il y a vraiment quelques personnes. Puis c'était super intéressant. Ben, dans ce temps-là, c'est tout le temps mieux. Hein? Ah ben oui, c'est toujours plus fun quand il y a du public et des questions. Il y a aussi eu un conseil d'administration. Oui, ça s'est passé dimanche dernier. Mm-hmm. Plusieurs points à l'ordre du jour, ça a été un CA assez lourd, ouais, assez mouvementé, parce qu'il y avait l'élection l'entérinement en fait des différentes candidatures, mm-hmm. Puis il y en a une qui a été remise en question, en fait. Je vais taire le nom, vous regarderez le procès-verbal si vous voulez. Okay. Il n'y avait pas eu un nombre suffisant de votes au sens de certaines personnes, donc il y avait eu quelques votes pour la chaise parce que la personne se présentait contre une chaise. Puis ben c'est ça, il y a eu quelques votes qui ont été donnés à la chaise. Il y a certaines personnes qui remettaient en cause la légitimité de la candidature. Donc finalement, ben ça s'est bien terminé. La personne a été élue malgré tout. Puis la transition va pouvoir commencer dans les prochains jours en fait. Excellent. Donc vous, si on regarde ça comme ça, votre mandat se termine quand déjà? Le 30 avril. OK, donc vraiment là, ça approche. Ça s'en vient, il reste 24 jours. Et si tout le monde est au courant, bien Alex ne sera plus président de l'AGE. Et non, malheureusement, sauf que je regardais ça récemment, je m'étais dit que j'allais me concentrer sur mes études. Oui, oui, c'est vrai. Je suis rendu avec 7 projets différents. Oh mon Dieu! Oui, j'ai plein d'idées, là, la tête, elle commence à rouler. OK, bref, je vais essayer de me tenir tranquille, mais ce sera pas facile. Moi, je vais pas choisir mes combats, c'est ça qui est le fun aussi. C'est exact. Je me suis souvent fait imposer des trucs avec le GEQTA, là, je vais pouvoir y aller selon ce que je veux, selon mes règles à moi, donc ça risque d'être bien intéressant comme dernière année universitaire. Bon, on te le souhaite en tout cas. Merci. Puis je vais juste revenir sur le GEQTA, j'ai pas parlé des points à l'ordre du jour. OK. On avait voté en fait les nouveaux règlements généraux, donc ils vont être disponibles sur notre site web. Il y a quelques éléments qui vont avoir été changés, des politiques qui vont avoir été rajoutées. Donc nos règlements généraux font maintenant 75 pages. Oh my God! Oui, exactement. Donc, c'est vraiment beaucoup de pages. Vraiment beaucoup? Oui, donc c'est ça. Fait que c'est quand même qu'on va pouvoir continuer de bien fonctionner, mais avec des nouvelles règles. Pourquoi autant? Parce qu'on a rajouté 3 politiques à l'intérieur, dont la politique électorale, la politique référendaire, ainsi que la politique électorale. OK. Ouais, c'est ça, je l'ai dit 2 fois, je pense. Je pense que oui. Ouais, fait que c'est ça. Ah, d'accord. Donc, reste, un point qui est inconnu pour le moment. Oui, c'est à peu près des documents de 15 pages chacun, puis nos règlements généraux faisaient déjà 30 pages. C'est ça. On rajoute tout ça ensemble, ça fait un beau document de... Wow. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est ma thèse en 180 secondes. Oui. Ça se passe où, quand, quoi, comment, dis-nous tout. Oui, ça se passe à la Chaise-Galerie en fin d'après-midi. Le concept de ma thèse en 180 secondes, en fait, c'est un concept qui est quand même assez le fun, qui se fait un peu partout dans le monde. Je regardais tantôt sur Facebook, puis okay. Ça se fait aussi en France. Donc, j'imagine que peut-être qu'il doit y avoir un autre nom en anglais pour le même concept. C'est des étudiants à la maîtrise et au doc qui viennent raconter ce sur quoi ils se penchent dans leurs études, que ce soit pour leur mémoire ou leur thèse, puis ils doivent résumer le tout et synthétiser au maximum pour que ça fasse en 180 secondes, donc 3 minutes. C'est très rythmé comme présentation. C'est vraiment de miser sur ce qui est l'information la plus importante dans le domaine d'études. Mm-hmm. Puis c'est vraiment des très belles présentations. Ouh. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en après-midi? Est-ce que tu sais qui va être là, qui va faire leur thèse en 180 secondes? Là, ils me regardent avec des gros yeux en disant non! Nope. En fait, c'est le dossier de la vice-présidence aux affaires académiques de cycle supérieur, Alexandre Côté. Donc, c'est lui qui s'en occupe aussi un peu plus, étant donné que ça touche à son plan d'action. Donc, si vous voulez aller voir, par exemple, je vous invite à vérifier, à voir sur les télévisions d'affichage, entre autres, puis les affiches, vous allez voir toute l'information un peu plus précise. On sait que ça se passe à la Chaise-Galerie, mais au niveau de l'heure, je suis un peu moins au courant. J'ai cherché tantôt, je ne l'ai pas trouvé. D'accord, excellent. On va avoir un petit peu plus tard, la semaine prochaine, j'imagine, ou cette fin de semaine, l'UEQ. Oui, exactement, l'Union étudiante du Québec, qui est un des 2 regroupements universitaires au niveau des associations étudiantes nationales. On n'y allait pas depuis il y a comme un clash dans le mouvement étudiant universitaire qui s'appelle le clash, j'aime bien appeler le clash du PPME, qui était le projet pour le mouvement étudiant à ce moment-là, qui s'est arrivé à peu près il y a 2 ans. Puis depuis ce temps-là, il y a le GEQTR, la GECAR, qui est l'association étudiante de l'Université du Québec à Rimouski, puis le MAJUCAC, qui est l'association étudiante de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Les 3 assos, on s'était distancés du PPME, qui est maintenant l'UEQ, en fait, qui est l'Union étudiante du Québec. Puis... on a laissé les choses aller. Bon, finalement, les 3 associations étudiantes de la région, donc les UQ que je viens de vous mentionner, ont décidé de se rassembler avec les associations étudiantes anglophones, donc CSU, qui est l'association étudiante de Concordia. OK. Et le SSMU, qui est l'association étudiante de McGill, pour former une nouvelle association étudiante nationale qui s'appelle l'Association pour une voix étudiante du Québec. Donc, comme je pourrais appeler le landscape politique étudiant étant ce qu'il est présentement, on évalue les options pour qui seraient les meilleures pour les étudiants de l'UQTR en termes de représentation politique. Parce qu'en fait, le rôle d'une association étudiante nationale, c'est de représenter les étudiants auprès des instances politiques nationales et fédérales. Donc, bref, on est à évaluer les options pour les étudiants. On a mis sur pied une grille pour évaluer les deux associations étudiantes nationales. Donc, on s'en va en fin de semaine en Abitibi pour voir l'Assemblée générale annuelle de l'Union étudiante du Québec. ce qui est fun avec les assemblées générales annuelles, c'est que c'est l'instance où sont entérinées toutes les positions qui ont été adoptées durant l'année. Donc, ça nous permet d'avoir une vision globale de qu'est-ce qui s'est passé durant toute la dernière année. Okay. Puis en même temps, de rencontrer les nouveaux exécutants qui vont, avec qui, entre autres, Samuel Plante, qui a été réélu, va devoir travailler l'année prochaine sur les différents dossiers sociopolitiques. Donc, ça risque d'être très intéressant comme rencontre, malgré les 9 heures de char aller et 9 heures de char retour. Tout ça en fin de session, on le rappelle. Ah, ben, ça, par exemple, c'est un bon prétexte pour travailler dans la voiture. C'est d'ailleurs acheter le petit cassette que tu plugues dans le truc de chambre pour pouvoir repluguer un laptop. Fait que oui, je devrais être capable de travailler quand même beaucoup. Il y en a qui donnent du Wi-Fi hein, aussi, en plus, je pense. Ah, ça se peut. Mais on va faire affaire avec Enterprise pour louer une voiture parce que, étant donné qu'on veut pas, pas trop abuser non plus au niveau du kilométrage de nos chars. Mais oui, on va regarder si on a du Wi-Fi, ça serait cool. Sinon, j'ai mon hotspot sur mon cellulaire. Ah, ça, c'est bon. Mais je pense pas que dans le parc, il va y avoir beaucoup de Wi-Fi. Je penserais pas, non. Ouais, le réseau, là. Ouais, ok, on va s'amener à iPod. Il y a aussi la transition envers, comme tu le disais, les nouveaux exécutants qui vont se mettre en place dans pas long. Oui, exactement. Ça, en fait, je vais vous les nommer par poste, en fait, les différents exécutants. Solange Lapierre a été élue à la présidence, ce qui était la vice-présidente aux affaires socioculturelles. Solananange est maintenant la présidente de la GQTR. ensuite, il y a Jimmy Lacourse a été réélu au poste de secrétaire général. Marie-Chantal Delaney a été réélue au poste de vice-présidente aux communications. Ensuite, Michael Saint-Pierre a été réélu au poste de vice-président aux affaires associatives et maintenant au développement durable. Son nom de poste a changé depuis les derniers règlements généraux. OK. Oui. Amélie Trottier-Lacombe, qui était coordonnatrice du carnaval, est maintenant vice-présidente aux affaires socioculturelles. Ensuite, on a Frédéric Thibault, qui a été élu en conseil d'administration la semaine dernière et est maintenant vice-président aux finances et développement. Ah, ouais? Oui. Ensuite, Alexandre Côté a été réélu au poste de vice-président des affaires académiques de cycle supérieur et le poste de vice-président des affaires académiques de premier cycle est toujours vacant. Donc, il va sûrement avoir, j'ai entendu dire qu'il y a des candidatures qui prévoient se présenter pour le prochain CA qui va se trouver à être en mai. Mais. Si vous voulez poser votre candidature, je vous invite à le faire aussi. Ça pourrait être une très bonne idée. C'est très intéressant aussi, là. Il faut le dire, c'est beaucoup. C'est des beaux défis. Ok, oui. Ça, certainement, c'est des défis assez incroyables. En parlant de défis, justement, tu nous disais que tu as comme 7 projets qui s'en viennent. À quoi va ressembler ta prochaine année? Oui, en fait. On veut savoir. Oui. Je vais peut-être finir avec la galère reconnaissance, par exemple. Ben oui. Certainement. Après ça, je te parle de ma nouvelle année. Good. Sans problème. Désolé, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Excellent. En fait, galère reconnaissance, se déroule jeudi prochain. Il va y avoir à peu près 180 personnes. Ça va être animé par moi et François-René Laure, le directeur du service aux étudiants. On a commencé à jaser un peu, coupe de vin à la main. C'est ça, tout le temps de même. Exactement. Et je peux dire que ça risque d'être assez drôle. Puis ça risque d'être un super bel événement. Vraiment, on parle de souper avec traiteurs et tout, et avec différentes performances. Donc ça va être super le fun. Puis je pense que GME va aussi participer à la soirée. Je sais pas si JP a fait le... Ben, en fait, je sais pas si ça a fonctionné, mais on aura une rencontre avec JP qui va sûrement greffer une galère reconnaissance de groupe média étudiant aussi avec ça. C'est ça, exactement. JP étant le directeur général de la station et du Zone Campus. Oui. Oh, c'est le fun! Oui. Tu parlais de traiteur, ça m'a allumé une lumière comme quoi, justement, la Chasse-Galerie a travaillé ce qu'il pouvait offrir comme traiteur. Et c'est vrai, j'en ai même pas parlé. À l'UQTR, j'ai vu les photos. Ça a aucun sens. Mais je trouve ça vraiment le fun, le développement que la Chasse-Galerie fait déjà. T'sais. On a juste parti en janvier l'offre alimentaire. On est déjà rendu avec les entrées pour le souper. Ben, pas les entrées, mais les bouchées pour le souper. Là, on est rendu avec le traiteur. Là, Marilyn, elle a le feu au cul. Ah ouais, tellement, elle voulait, tu sais, j'ai vu un post qu'elle a fait récemment sur Facebook et tu sais, elle voulait devenir chef. C'est compris. Puis là, c'est comme, watch me go, genre. Puis c'est vraiment cool. Je pense qu'elle adore ça. Puis je suis vraiment content qu'elle travaille avec nous là-dedans. Elle fait vraiment du très, très bon travail. C'est vraiment très bon aussi. Là, si vous avez l'opportunité d'aller à la Chasse-Galerie pour goûter quoi que ce soit, parce qu'on le rappelle, le menu change comme à tous les mois. Puis là, ils viennent de changer pour le mois d'avril. C'est vraiment capotant, là. Ah, c'est tellement bon. Je vous recommande le trio. OK, le avec trio. La soupe, parce que c'est, oui. Parce que quand même, c'est des bonnes portions, mais si vous prenez une soupe, en plus, vous êtes convaincu d'être rempli. Puis si vous avez le goût d'avoir un petit buzz, prenez une bière. Ah, oui, c'est vrai. Ça c'est peut vrai. Vous aider à vous détendre. Si vous avez eu un avant-midi tendu ou des trucs comme ça, ça vous aide à vous détendre un peu. On revient un peu à l'après-midi, un peu plus sur des bases là, qui sont plus fermes. Oui, c'est sûr. Ou ça dépend combien t'en bois. C'est ça, mais juste une pinte maximum. Exactement. Bien, merci Alex de nous avoir parlé de la GE comme ça. Et maintenant, on peut en parler à quoi va ressembler ta prochaine année puisque tu vas nous quitter en tant que président de la GE. Ben oui, malheureusement, je vais devoir vous quitter. Mais, par exemple, comme je disais, j'ai plein de projets. J'en ai un, justement, qu'on en jase. Ben oui, on en jase. Oui, j'ai pensé à une émission qui s'appellerait « Dans ma tête ». OK. Genre, puis que je serais probablement assez fou. Oui. Puis que je parlerais juste des trucs qui me passent par la tête pendant une heure, tu sais. Mais c'est excellent. Oui, pourquoi pas. Avec une page Facebook et toute la quête, là, je commence un peu à brainstormer tout ça. Sinon, il y avait peut-être aussi, je pensais mettre sur pied une espèce de société événementielle UQTR. Parce qu'il y a une problématique chez plusieurs petites assos étudiantes, tu sais, qui ont peut-être, je dirais, de 45 à 120 membres. Mm-hmm. C'est, le financement est assez difficile pour ces assos-là. C'est vrai. Puis juste un barbecue peut représenter un financement qui est assez impressionnant. Ce que j'avais pensé, c'est si on met sur pied une espèce de corporation d'événements qui rassemble ces petites associations-là, qui s'en va voir quelqu'un qui est capable de gérer, ben de provide, un peu, je sais pas le mot en français, de prêter les liquidités nécessaires à faire le party, qui sera ensuite remboursé, mais que les profits seraient redistribués à même les petites associations. On pense que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant, donc je vais en parler à certaines personnes, mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel de ce côté-ci. D'un côté, joindre l'événementiel qui est particulièrement le fun, oui, avec c'est sûr, justement hein? le financement des petites associations. Est-ce que c'est ce qui t'a marqué le plus de ton mandat, justement, tout ce qui est événementiel? Ben, j'ai pas eu à en faire beaucoup, honnêtement. Okay. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la protection publique de l'UQTR. Je pense qu'on en parlera après mon mandat. Mais... Oui, c'est ça. Donc oui, ça m'a effectivement beaucoup marqué. Sinon, il y a... Non, mais je dirais que l'événementiel, j'ai eu à en faire une fois pour le show de la rentrée de l'hiver. Puis honnêtement, j'ai repogné la piqûre. Donc, je vais probablement me concentrer là-dessus dans le futur un peu aussi parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cool! Oui. Qu'est-ce que, à part bien évidemment la sécurité publique, là, je pense que je vais te poser la question. Qu'est-ce que t'es le plus fier d'avoir accompli dans ton mandat? Hey, ça, maintenant que tu quittes. C'est une bonne question. Je pense que je dirais la cotisation activité étudiante, okay. Honnêtement. Parce qu'il y avait une problématique financière du côté de la GEQTR qui, depuis plusieurs années, qui traînait. Puis je pense que là, on a réglé, puis on revient dans le positif au niveau des états financiers. Puis je pense que pour une organisation, c'est quand même essentiel. Surtout qu'on avait une marge de manœuvre en termes de liquidité, mais que maintenant, on peut l'utiliser pour faire du développement pour les étudiants de l'UQTR. Donc, tu sais, l'argent est en nerf de la guerre. Je pense que, tu sais, ça a été quelque chose de très bien pour l'association, puis pour les étudiants aussi. Ça risque d'apparaître durant les prochaines années, même durant la prochaine année. Je dirais qu'on va déjà voir une bonne différence parce qu'il va y avoir plus d'argent disponible pour faire les activités pour les étudiants. Ça, on aime ça. On le s'entend, on va se le dire. Oui, puis je referais peut-être un petit 1.5 à ça. Ouais. En fait, le 1.5 étant le sondage de la planification stratégique. OK. Parce qu'on a posé 44 questions aux étudiants, 1000 étudiants ont répondu. Donc maintenant, on a des réponses qui permettent d'orienter aussi le GEQTR dans le futur sur qu'est-ce qui intéresse les étudiants. Entre autres, on a découvert, je pense que vous avez déjà mentionné dans l'émission, que les intérêts des étudiants de l'UQTR sont les études, le travail, le plein air, le voyage, le sport, ainsi que les cinémas, les séries, puis finalement les spectacles. Donc, on a vraiment une belle marge de manœuvre pour créer des nouvelles activités alentour des intérêts des étudiants. Donc, ça et plusieurs autres choses, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour le GEQTR. Ces deux trucs-là combinés, je pense que c'est vraiment très, très, très, très bien. Là. Ah, c'est excellent. Merci beaucoup, Alex. Je sais que t'es en sprint final, là, vraiment, que ce soit pour ta session ou ton mandat. Oui. quand même, journée chargée aujourd'hui, parce que je sais que tu peux pas rester avec nous en studio. C'est ce que tu m'expliquais. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu nous parler pour quasiment une de tes dernières chroniques en tant que président de la GE. Oui, il m'en reste pas gros, mais si on calcule, il en reste 3. Exact. Ouais. Ça, il en reste vraiment pas beaucoup. Oh non, ça achète. Merci beaucoup, puis je te souhaite une bonne journée. Ben, merci, toi aussi, Tania. Pour ce qui est de nous, eh bien, je me suis dit pourquoi pas tout simplement comme ça en attendant David Ferron qui doit être à veille d'arriver là, parce que en temps normal, David n'est jamais vraiment en retard, même qu'il est souvent en avance. Tu vois, je dis ça puis il est en train de rentrer dans le studio. Donc, je vais quand même vous offrir To Say de Jake's Green. Et au retour, bien, ça va être David Ferron. Assemblage Reiki sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Dans quelques instants, David Ferron se joindra à moi pour une petite chronique musicale comme ça sur... On va appeler ça sur le fly, c'est le même qui dit ça. Ça va probablement être comme ça que ça va se passer, pas mal sur le fly. Mais avant ça, j'ai décidé de parler un petit peu d'actualité avec vous. En fait, j'ai fait le tour de ce qui se passait dans les dernières heures, vraiment sur les médias sociaux, sur les médias sociaux des journaux surtout. Et on parle d'une crise d'opioïdes qui cogne à la porte de... Et le Québec doit accélérer ses préparatifs pour y faire face. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est que hier, il y a un coroner qui a été averti et qui s'est penché sur la mort d'un toxicomane de Gatineau qui était victime de fentanyl. C'est une drogue qui est assez puissante et qui fauche des centaines de vies dans l'ouest canadien et dans le nord-est des États-Unis. Donc, c'est là, à ce moment-là, où la crise fait rage, là, vraiment dans le nord-est des États-Unis. Et le Québec y échappait largement jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être plus pour longtemps. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le coroner dit que ça s'en vient. Tout de suite, il faut commencer à mettre de l'ordre dans les affaires du Québec de ce côté-là. Et le médecin presse justement le gouvernement de faire progresser la mise sur pied d'un programme de surveillance des opioïdes devant l'actuelle augmentation des décès qui sont reliés à cette drogue-là, notamment le fentanyl. Donc, il faut agir. Il faut aussi plaider Marcel Onctil, qui est sous le choc après avoir lu justement le rapport du docteur Dionne, son fils Louis. Donc, celui-ci est mort intoxiqué par un cocktail de drogue qui incluait le fentanyl en mars 2016. Et il dit qu'il va falloir y avoir des efforts qui vont être concertés pour essayer d'endiguer ce problème-là. Lui qui vit depuis plus d'un an justement avec un sentiment de culpabilité qu'il ne quitte pas vraiment. Mais tout ça pour dire que la vente du Dilaudide pour acheter du fentanyl, c'est quelque chose qui existe apparemment. Le jeune homme qui est décédé, Louis Onctil, a commencé justement à consommer des opioïdes dans la foulée d'un accident de la route qui est survenu au début des années 2000. Donc, la situation a quand même dérapé assez rapidement. On en a fait un polytoxicomane. Donc, l'homme de 40 ans était bien connu des policiers et avait fait de la prison au Québec et en Ontario aussi. Mais le rapport sur son décès montre du doigt son médecin qui avait renouvelé sa prescription de Dilaudide, et d'hydromorph contin. Donc, ça s'était fait par fax, tout ça. Et ça s'était fait pour un an, sans l'avoir vu depuis plus de 16 mois. Donc, il y a eu comme une espèce de contradiction de ce côté-là. Et c'est ce type de situation-là qui pourrait être identifié grâce à un système de surveillance des prescriptions et de distribution, bien évidemment, de ce genre de médicaments-là. C'est un médicament qui est très, très fort et qui peut vite faire des dommages. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est un analgésique et un sédatif narcotique synthétique qui est extrêmement puissant, qui est surtout utilisé dans le traitement des douleurs sévères et chroniques, mais aussi aiguës. Et ce produit est aussi utilisé comme drogue d'abus. Donc, les effets du fentanyl sont comparables à ceux de l'héroïne, mais c'est une molécule qui est plus euphorisante et qui est aussi plus sédative et plus analgésiante. Donc, c'est ce que précisait le coroner qui disait justement qu'une surdose de cette substance-là peut provoquer une dépression qui va être respiratoire, une bradycardie aussi, et de l'hypotension, puis par la suite un arrêt respiratoire et cardiaque. Donc, c'est un médicament sur lequel il faut faire attention, et apparemment que la crise dans le nord-est des États-Unis est assez grande présentement et que le Québec devrait commencer à faire quelques recherches et quelques préventions de ce côté-là. Vous avez probablement entendu parler de la nouvelle ce matin, très tôt. J'ai vu cette nouvelle-là en me levant, en fait, et ça se passe du côté de Shawinigan. C'est un homme qui a été arrêté par la Sûreté du Québec un petit peu plus tôt, cette nuit, en fait, à Shawinigan, en Mauricie, après que 3 femmes aient été assassinées. Donc, on parle d'un triple meurtre au cours des dernières heures dans les environs. Ce sont 2 femmes qui ont d'abord été tuées dans une résidence dans le secteur Saint-Gérard des Laurentides à Shawinigan, et le suspect s'est ensuite déplacé vers une autre résidence qui est située dans la municipalité voisine de Saint-Mathieu-du-Parc. Donc, à cet endroit-là, il y a une autre femme qui a été tuée et un homme qui était sur place a été la cible d'une tentative de meurtre, mais il a pu fuir et il a aussi alerté une personne du voisinage. Donc, on a ensuite transporté cet homme-là à l'hôpital pour des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger, mais le suspect a été arrêté un petit peu plus tard, lui, quant à lui, lorsqu'il a arrêté l'automobile qui conduisait justement un poste d'essence à Shawinigan. Et selon la Sûreté du Québec, bien, le tueur et ses victimes se connaissaient. Et à 6 heures ce matin, il y a des périmètres de sécurité qui entouraient bien évidemment le poste d'essence où se trouvait encore l'automobile qui aurait été utilisé par l'assassin entre les 2 résidences et où les meurtres ont été perpétrés. Donc, c'est fou de réaliser à quel point le monde est rendu fou. Je me disais ça ce matin, justement, en lisant cette nouvelle-là. Je me suis dit, On a eu un triple meurtre ici à Trois-Rivières il y a quelques années déjà par des jeunes. Là, c'est un homme plus vieux avec des femmes du côté de Shawinigan. C'est fou, il se passe quelque chose. Là. On peut pas. C'est sûr qu'il y a des fils qui se touchent à un certain moment, mais c'est fou de voir à quel point la violence est encore plus présente que dans le passé. Je sais pas si c'est parce que justement les réseaux sociaux offrent quand même une opportunité de pouvoir en voir plus, ce qui peut peut-être mettre certaines personnes mentalement instables plus à risque de faire ce genre de choses-là. J'ai hâte de voir les déroulements par contre face à tout ça. C'est sûr que c'est pas une situation qui est très joyeuse, mais c'est fou de voir à quel point le monde est fou. Voilà. Il y a une jeune entreprise montréalaise qui s'appelle Share the Boss qui va changer de nom et qui devient Boss.com au moment où on annonce aussi la conclusion d'une ronde de financement de 5 millions de dollars américains. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, Share the Boss, si je me souviens bien, l'entreprise, c'est justement pour pouvoir faire comme une espèce de Uber, mais avec l'autobus. Donc, la somme qui équivaut à environ 6,5 millions de dollars canadiens provient du fonds américain Jackson's Square Ventures et qui est basé à San Francisco, de BMW iVentures à Y Combinator et du fonds canadien Real Ventures. Les deux derniers y avaient déjà investi 1,2 million de dollars américains à l'automne 2015. Donc, Bus.com, ça a été conçu pour permettre à quiconque de créer un trajet d'autobus nolisé. C'est un amateur de musique qui souhaite assister justement à un festival qui va être tenu dans une autre ville, peut par exemple facilement créer un trajet et le rendre disponible pour d'autres amateurs. Donc, avec le temps, toutefois, on a expliqué à certains médias que l'un des cofondateurs, qui était Wolf Goldberg, qui était de plus en plus de groupes, ont fait appel au service pour noliser justement un bus complet et il pourrait passer directement par les compagnies d'autobus. Mais le service est beaucoup plus précis que ça et ils peuvent facilement voir de quel genre d'autobus il s'agit, s'il y a une toilette ou s'il y a d'autres facilités comme des prise de courant, en plus de la cote de la compagnie. Donc, étonnamment, le nom du domaine boss.com n'était pas encore utilisé. Moi-même, ça me surprend. J'étais sûre et certaine que quelqu'un s'était déjà approprié le droit sur tout ça. Mais ça appartenait, entre autres, à un individu qui n'en faisait pas usage. Donc, sans entrer dans les détails, ils ont assuré que leur achat s'est fait à un très, très bon prix. Et ça a été effectué de façon indépendante pour le financement qui a été obtenu. L'entreprise espère maintenant que l'utilisation du nouveau nom va lui permettre, bien évidemment, de faciliter le marketing. Ça va être beaucoup plus facile d'avoir de la visibilité aussi dans les moteurs de recherche, les médias sociaux. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une compagnie montréalaise et ça semble être une très bonne idée. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça encore, mais je vous en parlerai peut-être un petit peu plus approfondi la semaine prochaine, le mardi, dans mon segment des compagnies qu'on connaît pas tant, mais qu'on devrait peut-être mieux connaître. Un petit peu plus près de chez nous, en terminant pour le segment d'actualité, eh bien, ce matin, les Aigles de Trois-Rivières ont annoncé que le fils de Wayne Gretzky s'en viendrait avec les Aigles, justement. Donc, sur le plan du baseball, c'est une très bonne acquisition qui va amener une certaine profondeur au sein de l'équipe. On le sait, en 2016, oui, on a eu quand même une saison assez difficile, justement, après qu'en 2015, on fût été champion. Ça a été quand même un petit peu plus difficile de se relever de tout ça. Donc, sur le plan du marketing, il s'agit d'un coup de circuit, on s'entend. On a appris que Trevor Gretzky, qui est le fils de Wayne Gretzky, va justement arriver pour à jouer aux Aigles de Trois-Rivières dans quelques semaines, donc à l'aube de la cinquième saison de la concession de la Ligue Can-Am de baseball. Il y a donc fort à parier que le célèbre numéro 99, qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du hockey, deviendra un partisan de la franchise trifluvienne qu'il va visiter la Mauricie dans les mois à venir. Moi, je me souviens, je l'avais croisé à Québec parce qu'à un certain moment, Trevor Gretzky jouait pour les Capitales de Québec avant de se faire opérer. Donc, ça fait longtemps qu'il a disputé son dernier match de baseball, justement à cause de cette fameuse blessure-là. Il a hâte de revenir sur le terrain. Il a hâte de rencontrer, bien évidemment, les partisans trifluviens. Ça a été une entrevue très tardive, en fait, mercredi, qu'il a fait avec le Nouvelliste. Et il a bien du mal, en fait, à contenir contenir sa joie, mais aussi le directeur, le gérant des Aigles, TJ Stanton, a vanté les mérites de l'athlète qui a 24 ans seulement, donc un frappeur gaucher qui est capable de chausser les crampons autant comme voltigeur que joueur de premier but. Donc selon lui, c'est un pro, les gens vont l'adorer. Il a grandi sous les projecteurs à Hollywood, mais dans la bride avec ses coéquipiers, ça paraît pas. C'est juste un homme qui veut continuer à cheminer dans le monde du baseball. Et selon TJ Stanton, il a tous les outils pour réussir. Selon plusieurs, c'est pas un inconnu non plus. Selon TJ Stanton, il est convaincu de la qualité de sa plus récente acquisition. Il faut dire qu'il a bien connu Trevor Gretzky lorsqu'il a joué pour les Capitals de Québec au début de la dernière saison. Il occupait le poste d'entraîneur des lanceurs pour le côté de Stanton et la formation de Québec avait annoncé il y a un an, presque jour pour jour, une entente justement avec le troisième fils de la famille Gretzky. La nouvelle avait bien évidemment été un cirque médiatique du côté de Québec. Par la suite, il avait été repêché par les Cubs de Chicago. Ça s'est fait en 2011. Mais Gretzky a maintenu une bonne moyenne au bâton et tout ça. Et malheureusement, dès le troisième match, on a plongé au champ gauche pour tenter d'attraper une balle qui semblait quand même assez impossible à attraper. Et la veille à Québec, devant des milliers de personnes, dont ses parents qui étaient venus l'encourager, il s'est blessé. Donc, on a subi une dislocation à l'épaule gauche. On a dû passer pendant une trentaine de parties avant de pouvoir revenir au jeu. Et ce retour n'a pas été très, très concluant parce qu'il a dû quitter Québec peu de temps après. On a subi une opération en septembre et par la suite, on a poursuivi notre émission. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est sûr et certain que du côté médiatique, du côté marketing, ça amène un gros boost pour ce qui est de Trevor Gretzky. Mais j'ai hâte de voir du côté des performances, qu'est-ce que ça va donner de son côté parce que malheureusement, en sachant qu'il a eu quand même une grosse opération, bien, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On va aller écouter Napalm Pomme avec Get Love et au retour, c'est David Ferron. Get Love, Napalpum sur les ondes de Cifou 89.1 FM dans l'émission Assemblage Requis. En studio avec moi, j'ai maintenant David Ferron qui est arrivé après quelques minutes. Bon matin, David. Bon matin, Tania. Ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui, certainement. David, aujourd'hui, c'est vraiment sur le fly. Là. Ça s'est décidé, mon Dieu, quasiment hier en dînant. Ben ça oui. s'est confirmé ce matin à 6h, puis c'est ça. Coucou! Je suis là. Alors, c'est ça. David a décidé de venir faire apparition dans l'émission et c'est très apprécié. Merci. Ça fait plaisir. C'est sûr que tu peux pas parler d'aquafond pendant 2 ans. Ben, là, même ça, si c'est super intéressant. À un moment donné, j'aurais bien pu vous faire une démonstration, mais je suis pas certaine que ça aurait fonctionné avec ma pataugeuse dans le studio. Ça serait une bonne idée pour la fin de l'année, ça, un spécial aquaforme. Mais on voulait faire à un moment donné un spécial. C'est nous qui voulions faire ça, un spécial barbecue ou je sais pas quoi. Parce qu'on avait fait un spécial, une grosse pointe à l'adresse, ben oui. là, avec, dans le temps des fêtes. Mais là, on voulait changer cette dynamique-là. Mmh. On voulait mettre un thème, si je me souviens bien, avec Mathieu. Faudrait que je lui demande un petit peu plus tard, tantôt, lorsqu'il va être au téléphone avec nous, pour voir que c'était quoi cette fameuse idée-là. Mais ça serait, ça serait une bonne idée, tu sais, amener une barboteuse puis ben ouais. mettre ça sur la caméra 3 qui diffuse en Asie tout le temps. Ben, ça serait popé. Puis on serait tout habillés en beach party avec des chemises hawaïennes. Puis oui, ça serait merveilleux. Écoute, je suis certaine que ça pognerait. Ah, aussi, ça serait le succès de l'heure. Ben, de l'année, en fait. Ben, clairement, écoute. David, ce matin, t'as décidé de nous faire une carte bleachée. Alors, ça commence dès maintenant. Qu'est-ce qui se passe du côté carte bleachée aujourd'hui? Je vous présente très brièvement 3 chansons sur le fly, comme on dit, mais que j'aime bien. Oui. Donc, on va aller plutôt en Angleterre aujourd'hui. Okay. Donc, on s'excuse vraiment pour la francophonie, pas parce que j'aime pas ça, mais ces temps-ci, je travaille beaucoup de la tête. Fait que c'est ça, écouter du Pierre Lapointe ou du Georges Moustaki, ça aide pas, malheureusement. Non, moi, non plus, j'ai de la difficulté à faire ça, mais mon cerveau, il est tellement anglo-franco que même si je le fais puis qu'il y a des paroles en anglais, ça me trouble. Mais ça, en anglais, je comprends, mais on dirait que je suis moins porté à... Je suis plus porté... apportant attention sur la musique. Français. Ben sur la musique, les paroles que je veux quand même comprendre pareil en général, mais que je sais pas, c'est particulier, mais c'est bien parce qu'il y a 3 chansons d'une voix complètement différente. Différent, pardon. Et j'ai de la misère avec ma grand-mère. Ah ben c'est bien correct. Eh oui, je me tape, auto-tape ses doigts, slack. Donc, on va présenter 3 chansons. La première, c'est une reprise. C'est assez particulier. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a 20 ans. Ben, si vous le savez pas, c'est pas plus grave que ça. Donc, il y a 20 ans, il y a le premier reporter qui est sorti. Oui. Ah, ça fait déjà 20 ans? Ben oui. Ah non, t'es-tu sérieux? Ben oui. J'avais 5 ans. Le premier reporter est sorti. Non, c'est impossible. Ben oui, ça fait 20 ans, paraîtrait-il. 97? Oui. Oh my God, je suis rendue vieille! Reparle pour toi, Tania. Moi, j'étais déjà un ado. Ah, c'est ça. Ah non, OK. OK, fait que le premier Harry Potter est sorti il y a 20 ans. Oui, mais aussi, un disque important paraîtrait-il considéré comme un album culte. Celui... La trame sonore du film d'Harry Potter. Non. Non, ben ça aurait pu, mais en fait, c'est l'album. En fait, je copie, en fait, l'émission dira ce qu'on voudra de Rebecca McConnell parce qu'elle... En fait, ils ont parlé du 20e anniversaire de Hockey Computer de Radiohead. OK, oui. Donc, ça fait 20 ans cette année que l'album est sorti. Il paraîtrait que ça a révolutionné parce que à l'époque, Radiohead, c'était un groupe très respectable, mais toujours dans un peu l'alternative post-grunge. Tandis que là, ils décident complètement de mettre des orchestrations, des chœurs, du bidouillage aussi. Donc, ça a révolutionné un peu le monde de la musique alternative à l'époque. Et ça a un peu mis fin à la carrière d'Oasis un peu. Quand même, un petit peu. Un petit peu. Ça, c'est... Mais en fait, peut-être pas à ce point-là, mais... Ça a vite fait vieillir Oasis, notamment. Mettons, donc, là, après ça, ils ont eu quoi? Genre 2 grands succès. Hein? Ah, puis après ça, surtout des coups de poing sur la gueule des frères. Oui, c'est ça. Je pense qu'après ça, on a plus parlé des conflits de Noël et Liam que... Que le groupe lui-même. Oui, exactement. Donc, Hockey Computer de Radiohead, c'est sorti il y a 20 ans et il y a une chanson là-dedans pivot qui s'appelle Paranoid Android qui a été reprise plusieurs fois, même Saya, la chanteuse australienne devenue américaine, qui l'a reprise aussi d'une manière vraiment... ça fait oublier Chandelier. OK. Pour vrai, c'est vraiment de l'orchestration épurée. Ça va être mis en avant, mais c'est pas celle-là que je vous présente. C'est plutôt de la formation Easy Star All Stars qui a repris au complet l'album OK Computers en version reggae. Oh, mais, nice! Mais là, on pourrait dire, ah, du reggae, ah, ça va être boboche. Non, pas en tout. En fait, le groupe s'est réapproprié complètement les chansons de Radiohead. En fait, c'est un très bon... c'est une belle reprise. La deuxième chanson, c'est la chanson Tubby de Metronomy, tirée de l'album The English Rivera. Et ça, c'est sorti en 2011. L'album était en nomination pour le prix Mercury. Donc okay. Ça, c'est le prix Mercury. À chaque année, l'Angleterre met en nomination les meilleurs albums. C'est un peu comme au Canada avec les Polaris. OK, oui, c'est comprends. C'est l'équivalent, donc le groupe est en nomination, mais pas, ils n'ont pas gagné malheureusement, mais c'est quand même un très bon album. Mm-hmm. Et c'est considéré comme un album extraordinaire par les critiques. Et la chanson, c'est considéré, mais en fait, Metronomy, c'est considéré comme un mélange entre Eagles et Daft Punk. Oh, j'ai hâte d'entendre ça. Ça a l'air quétaine, mais non, ça l'est pas. Ça a vraiment une belle twist, je trouve. OK. Et l'autre, c'est un peu plus pop, mais c'est le groupe London Grammar, qui est un trio britannique également. Donc, c'est la pièce Rotten For You qui est sortie le jour de l'an. Ben, 31 décembre, jour de l'an. Et c'est tiré, c'est un extrait de l'album Truth Is A Beautiful Thing qui sort seulement au mois de juin. Oh, donc, OK. Quasiment c'est une exclusivité? Pas tant que ça, parce que ça fait quand même 3 mois que la toune est sortie. Oh, mon mais, Dieu, c'est plus exclusif. Ben, plus vraiment. Donc, ça fait depuis le jour de l'an que la toune est sortie, Rotten For You, mais je vous présente pas la version qui va être sur l'album, mais le vidéoclip. Pourquoi? Ah, okay. Parce que dans le vidéoclip, la chanteuse Hannah Reid chante pendant 2 minutes a cappella. C'est vraiment sa voix avec les échos. Elle a une voix vraiment malade. C'est vraiment, la voix nous pogne par les tripes. Si c'est pas le cas, c'est que vous êtes un meuble ou vous êtes une roche. C'est définitif. Il n'y a pas d'autre option, je m'excuse. C'est comme ça que ça se passe. Alors, tu me dis qu'on allait commencer tout ça avec Easy Stars, All Stars avec Paranoid Android, c'est exactement. Ça? Exactement. Trying to get somewhere. vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. break. Let it burn till I see you again. I will be here with you, just like I told you I would. I'd love to always love you, but I'm scared of loneliness when I'm alone with you. I know it's hard. Only you and I. Is it all for me? Because I know it's all for you. Yes, it is. Darling, I'll be rooting for you. Then, my darling, I'll be rooting for you. And where did she go? Truth left us long ago, and I need her. Is it all for me? Because I know it's all for you. And I guess it is. London Grammar avec Rooting for You. David, qu'est-ce qu'on a entendu d'autre? On a entendu Metronomy avec la pièce Tubby et ensuite la reprise de Easy Star All Stars de Paranoid Android, originalement interprété par Radiohead. Tout ça dans une carte bleachée sur le fly. Oui! qu'on a décidé de faire hier en dînant, puis qui s'est... continuer comme ça ce matin, on n'était pas trop certain de ce qu'on allait faire. Finalement, on a réussi à faire quelque chose de très très bon. Ben, je suis content. C'est le travail de tout le monde, des forces et tout ça. Exactement. On n'a pas le choix. C'est ça qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien. Mais oui. Tout à l'heure, on vous expliquait qu'on allait avoir le segment Une grosse pointe à l'adresse. Malheureusement, je me rends compte que j'ai pas le thème musical d'une grosse pointe à l'adresse avec moi. Mais bon. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. C'est David qui va faire le bac sonore. Mais au téléphone, avec moi, j'ai Mathieu Plante. Oh yes. Qu'est-ce que c'est ça? T'as pas le thème? Non, j'ai pas le thème. Tu m'as pas envoyé le thème musical pour ça. Je t'ai envoyé tout sauf ça. Ouais, c'est. Honnêtement, je pense que c'est tout ce que tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé toutes les autres sauf celui-là. Incroyable. Bref, mais salut, Talia. Salut, David. Bon matin. Hey, salut. Vous allez bien? Très bien, et toi? Oui, est-ce qu'on m'entend mieux qu'hier? Pas tant, honnêtement. Ça sonne encore. Ouais, écho, un peu ouais. Cacane. C'est ça. Cacane de plafond de 22 pieds. Oui. Mais je pense que j'ai une idée. OK. Ça sonne mieux. Ça me donne genre 10-15 secondes. Oui, on va te laisser 10-15 secondes, puis on va jaser de justement le fait que David et moi, on a envoyé déjà les produits qu'on voulait utiliser à Mathieu. Ouais. Donc, Mathieu, lui, a fait de son côté un petit peu de recherche. J'ai cru comprendre qu'il a envoyé quelqu'un aller chercher les produits. Donc, les produits, il les a chez lui. Il a exactement les mêmes que ceux qu'on a présentement. J'espère qu'on ne s'est pas trompé parce que il dit finalement, je trouve que ça goûte, mettons, le jujube à l'orange, puis que c'est pas ça pantoute. On ouais, comme... j'espère aussi qu'il a choisi les. Bien que du moins la personne qui est allée chercher ses produits était correcte sur ce qu'il a choisi d'utiliser. Oui. Mais ça serait de toute façon, parce que moi, j'ai un petit peu dit les produits, fait que ça. Je vais prendre le blanc, sinon. Parce que je suis daltonien. c'est ça l'affaire. Fait que si, mettons, ce que nous, on boit en studio est mauve, mais ce que Mathieu a chez lui est orange, peut-être qu'il va y avoir une différence. Vous savez, de la fausse à David, c'est correct. Mathieu, est-ce que t'es toujours là? Les amis. Oh! Est-ce qu'on m'entend mieux? Oh, mon Dieu, on t'entend mieux. Hein? C'est pas pire? Ouais, okay. Je sais pas ce que t'as fait avec ton téléphone, mais ça sonne vraiment mieux. Je me suis installé un chapeau de papier d'aluminium sur la tête. Ça pogne mieux les ondes. Ah, c'est ça? Mais dis-moi, est-ce que t'étais sur main libre? Peut-être que c'était simplement ça. Je pense que c'était ça l'idée, ouais. T'es allé dans ton garde-robe, hein? Exactement. Ah, je comprends. Je suis retourné dans le garde-robe. Ça, c'était vraiment louche et très, très, très, très... Psychopathe. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, on dit que les gens qui font des voice-over et tout ça et qui doivent taper certaines choses chez eux, c'est comme ça qui empêche l'écho de rentrer dans le micro. Ils enregistrent dans le garde-robe. Moi, je fais ça chez moi. Charles Serre, tout à l'heure. Oui, Charles Serre, c'est dans le garde-robe qui tape, lui. Pas de problème, seulement ça marche. Je le disais tout à l'heure, malheureusement, j'essaie de trouver les gars. Laissez-moi 30 secondes. Comment ça se fait que t'as pas le thème? Une grosse pointe. C'est marqué Mathieu Plante. Très d'union, une grosse pointe à l'adresse, non? Je sais, mais j'ai absolument rien de ça. Ben Mathieu, je chante la don à capelle, là. Je suis sûr que tu la connais par cœur. Au téléphone, ça va bien sonner, en plus. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe dans le dress. Oh, hey, attendez. Ah, je savais qu'il y avait ma maudite. Tu voulais me faire chanter, hein? T'as tout compris. C'est chantage, c'est littéralement. C'est ça qui est arrivé. Je viens de la trouver. Ça s'appelait comment? Ouais, pour le fun. Mathieu Plante, une grosse pointe dans le dress. C'est ça. Ouais. Mathieu est au courant de ce qu'il a... Il sait ce qu'il fait, Mathieu Plante. Ouais, c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça, je vais vous avouer. Donc, une grosse pointe dans le dress, c'est parti. Une grosse pointe dans le dress. Oh oui! Par téléphone, j'entends David fesser sa tête pendant les deux. C'est incroyable. C'est comme si j'y étais. Mais tout à l'heure, quand tu étais en train de faire tes petits changements pour qu'on puisse t'entendre mieux, oui, je vais t'avouer qu'on a entendu du bruit, mais je pense que ça venait de David vraiment en studio comme ça. C'est le jour de David. C'est ça. C'est le lapin de Pâques. Oui! Gueule, gueule, gueule. Gueule, gueule, gueule. C'est moi que ça se passe. Oui, exactement. Mais je crois que Mathieu, il a des dons de télépathe parce que moi, je pensais pas que je tapais si fort mais que oui, ça. Là. Oui, c'est quand même assez. On va t'acheter des mitaines. Oh, non. On va taper mitaine comme un chat. On va entendre une mitaine. C'est quand même assez prononcé là, comme son, là, m'a t'avoué. Imagine, je travaillais à côté de lui avant. Hé, hey, hein? Non, maintenant, c'est moi, je l'entends des fois. Dans le fond, en réalité, Mathieu, il est en bonne santé, c'est juste qu'il a fait un burn-out parce que mon aura était trop présente. Il faut pas rire des problèmes mentaux des non, gens. Non, surtout pas à la radio comme ça, c'est beaucoup trop gratuit. Surtout pour un gars qui parle des mitaines, on parle pas contre les manteaux. T'es au téléphone de toute façon, fait qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Ah, t'as raison. Ah, c'est ça, comme ça. Messieurs, on vous a remis des produits, oui. Bien du moins... Mathieu, on t'a envoyé les noms des produits, t'as essayé de te les procurer. Oui, avec les photos, tout, ça a bien été. On espère que tu t'es procuré les bons. Mm-hmm. David, devant toi, tu as les produits. Je pense que oui. Je vais te laisser les présenter vu que Mathieu est chez lui. Puis au pire, Mathieu, tu te présenteras le deuxième produit que ça passe. Génial. Donc, le premier produit, donc je présente le breuvage, c'est ça? Exactement. Je veux pas vous reprendre déjà, là. Je veux pas faire mon boss des bécasses, le gars qui se mêle pas de ses affaires, hein. Control freak. C'est ça, parce qu'on s'en rend compte que je suis un petit peu control freak en n'étant pas là. Hein? Ah, mais voyons, de quoi tu parles? J'ai jamais remarqué ça. Imagine quand t'es là. Je m'assume pleinement. Les choses que j'ai apportées, c'est marqué Fuego. D'après moi, c'est très piquant. Je pense qu'on devrait mettre le breuvage après. Tu veux dire ce que tu nous as envoyé, là? Ce que je vous ai envoyé est très piquant, apparemment. OK, fait qu'il faudrait, mettons, commencer par ce qui est piquant, puis par la suite, transférer au breuvage de David. C'est l'idée que j'ai en tête. D'accord, okay. C'est ce qu'on va faire. David, t'as pris le produit de Mathieu? Ouais, exactement. C'est marqué Fuego, mais c'est taquille. Je sais pas si c'est comme gréco-mexicain, mexicain, Mathieu. Peut-être, je sais pas. Ça me semble mexicain. On peut aller voir c'est quoi des taquilles, ça. Je vous dis ça comme ça, il nous reste 9 minutes pour combler ce. Ouais, c'est ça. Oh, OK. C'est juste parce qu'il y a une émission après nous. Il faudrait pas nécessairement. Voulez-vous que j'ouvre tout de suite le sac? Ouvre ça. Taquille, c'est aussi un sculpteur grec, mais dis-donc. C'est peut-être ça. Il était bien épicé. Là, Mathieu, moi, j'ai ouvert le sac. Je sais pas si ton côté, il était déjà ouvert parce que nous, on a hâte de manger. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai donné ça à Tania. Oh mon Dieu, OK. Pas de dégâts, là, pas de dégâts. Je te fais moins confiance. C'est vrai, en temps habituel, c'est moi qui les ouvrais. Hein, puis qui les... Oh my God, c'est rouge dans le sac. J'ai vu ça à distance, le dégât. Ça sent les Doritos. Ouais, OK. Ça sent les Doritos vraiment très épicés. C'est en quelle forme? Tu sais, les Fritos faits sur le long roulé. Oh, un petit cigare. Ouais, ça sent les Doritos, en fait. Je pense que je vais m'en prendre deux, tu sais. Je suis... C'est ça, il y a de la lime dessus sur l'emballage et c'est vraiment marqué feu extrême. Feu extrême, c'est écrit en français dessus? Bien, en tout cas, il y a un petit piment, il est en feu, puis en dessous, c'est marqué extrême, fait que j'en ai déduit que c'était feu piment extrême, je sais pas. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça goûte. Je vais attendre voir si David s'en est pris. Mathieu, est-ce que toi, tu t'en es pris chez vous? Je suis prêt depuis le début. OK, t'es prêt depuis le début. Tu as déjà mangé la moitié. C'est ça. OK, on est prêt? Ouh, c'est vrai que ça sent les Cheetos Fiery. Exactement, les Cheetos épicés, mettons. OK, on y va. Bon. Oh, il y a un croque dedans. Oh. Oh my God, le goût de lime. Non, c'est bon, c'est comme sucré en même temps, mais... C'est assez du lait, mais... En fait, je pense que Mathieu, s'il meurt, c'est parce qu'il va être calciné de ça. Chez lui. Ah, c'est vrai que ça pogne un feu dans la bouche, hein? OK, t'en manges. Oh, oui, oh. J'en ai mangé la moitié. Ben oui, mais avale, c'est tout en ça, faut que tu fasses ça. Non, mais c'est que ça crée. La salive crée une genre de brou de. Ouais, de restant de piquant. Hé, juste ça, ça va aller pour l'instant, hein? OK. Comme je disais à la personne qui était à la caisse à l'épicerie. Oui. Le gars m'a dit. Je sais pas si j'essaierais ça, j'ai dit « Ouais, t'as peur pour ton anus, hein? » J'imagine le visage du caissier. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme sur Facebook quand les gens postent des histoires, puis là, il y a quelqu'un en dessous qui marque genre « Stuff that never happened », ça j'ai bien eu. Ouais, non, c'est ça, exactement. C'est vraiment intéressant. Donc, si, mettons, le centre-ville, dans le coin du centre-ville, tout ça, ça brûle, on va savoir pourquoi, c'est parce que Mathieu a craché du feu. C'est ça. Tu sais, j'avais dit que j'en avais pris deux, mais il y en a une qui va rester sur le côté pour genre... Laisse-la là pour observation. Pour la prochaine émission, voir. C'est ça. C'est comme un défi. Voir si elle va être rendue dégueulasse. Êtes-vous capable de la manger? OK, genre génie en liberté. Génie en libouté. OK. Hey boy. Il nous reste 5 minutes, les boys. Oui, on est rendu à l'autre breuvage. Donc, ben, l'autre produit, en fait. Oui, en fait, j'aime les choses bizarres de la vie. Oui, c'est vrai. Puis Mathieu, juste être sûr que t'as bon le produit. Moi, j'ai du Canada Dry, oui. Blackberry Ginger Ale. Est-ce que c'est ça que t'as? Oui, c'est ta saveur de quoi, ça? C'est ça, c'est au mur. Hey, ça va goûter le plat. Exactement. Ça va te goûter un peu de souvenir pas très lointain, Mathieu. J'aime ça réutiliser les gags qui ont marché en rond. Oui. Oui, exact, donc, parce qu'on a appelé Mathieu tantôt oui, pendant la pause. On se parle au téléphone pour se mettre en attente. Voyons, tout le monde sait ça. Mais oui. Ce téléphone. Donc, David, tu vas, j'imagine, servir ça dans quelques petits verres. Puis toi, tu vas garder la bouteille? Ben oui, je vais te servir ça dans ton verre, Tania. Puis moi, je vais boire ça dans la bouteille. Là. Moi, dans mon propre verre. Oui, c'est ça, chez toi. Ben, où tu peux prendre ta propre bouteille, Mathieu, vu que tu te l'es procuré. T'as raison. À moins que tu sois trop propre. Prêt, là, je sais que t'es un homme très propre, Mathieu. Je crois qu'il y a peut-être... C'est ça, prends une bouteille parce que tu seras peut-être pas capable de le verser vu ton bras. T'as raison. Merci, David. Oh my God, il m'en a mis, là. C'est comme... J'ai comme le goût de goûter les deux en même temps, mais je pense que je serais pas ça. Je me suis très bien servi ça. Ouna servait ça. Mais t'es-tu capable de te servir des deux bras complètement, Mathieu, ou t'en as un qui est encore... Je m'arrête! je fais tout ça de la gauche. Les moines l'ont aidé, c'est le cas. J'ai de la misère à prendre mon verre du côté droit, ça tire. Ah, c'est ça, fait que bois de la gauche. C'est ça. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Oui, on y va. Hey, c'est pas mauvais. C'est plus sucré que j'aurais pensé. Moi aussi. Mais c'est très bon. Mais j'aime le goût que. C'est contraire à ce qu'on voit habituellement des cerises, des fraises, canneberges. Mais Canada Dry, il y a toujours le fond qu'on goûte du Canada Dry. Mm. Ça, c'est vraiment comme... C'est un petit c'est comme piquant. C'est comme avoineux. C'est comme s'il y avait de l'avoine là-dedans. Et gingembre, évidemment. Oui, exactement. Le petit côté mûr, c'est quoi, des mûres sauvages? Oui, c'est ça qui est marqué sa bouteille. Mais c'est bien ça qui est marqué aussi sur ta bouteille, sûrement, Mathieu. Dans ta tête, c'est marqué mûr de briques. Mur de G-Brock. Ça sent comme à la maison. Exact. Wow. Mais j'adore ça, je pense que j'ai un nouveau breuvage c'est très préféré bon. Du moment. Je pense que je l'ai vu en caisse à l'épicerie, donc potentiellement que je pourrais acheter une caisse de ça. Moi qui, en temps normal, ça me remonte dans le nez déjà, moi qui bois pas de liqueur dans la vie, je dois avouer que je la diluerais peut-être avec un peu d'eau. J'avoue que c'est peut-être trop sucré, il aurait pu calmer un petit peu la faim. Mais j'aime le goût. Oui, moi aussi. J'aime le goût qui est autre justement que de la cerise puis de la fraise, c'est ça. Ça goûte le jus, ça goûte l'eau sucrée. Ça goûte le jus pétillant, vraiment. J'ai décidé d'aller croquer dans l'autre. Mais vu que tu t'es nettoyé le palais, ça pourrait fonctionner, mais garde pas ça proche. On dirait que le goût de la lime, il sort encore plus après le petit jus. C'est un drôle de... c'est un drôle de mélange, je trouve. Mais je sais pas. Il me semble qu'un gamer pourrait... Je verrais très bien un gamer manger des Takis Extreme Fuego et boire du Canada Dry à la mûre. Moi aussi. Clairement. Ça fonctionne bien. Hey, c'est plate, j'avais pas mon sel. Sûrement, j'aurais pris la photo des deux produits. Ensemble. C'est quelque chose qui... Hey boy, ça pogne dans le fond de la gorge. Ah ouais. C'est quelque chose qui fonctionnerait, honnêtement. Là, les deux ensemble, je pense que ça serait un bon... nez me coule, OK? Ça me donne-tu une idée? Genre, à quel point c'est fort? Le nez me coule. Je dis ça comme ça. les gars, c'est déjà la fin de l'émission. C'est comme ça. On peut pas rien faire d'autre. C'était le fun. Merci. C'était vraiment cool de faire ça encore. Une petite chronique, mais on fait ça tous les jours jusqu'à temps que j'en revienne. Merci d'être embarqué dans ton garde-robe pour qu'on puisse t'entendre mieux et avoir enlevé le... le main libre. Le ton, exactement. Oui. Merci beaucoup, Mathieu. Bye. À la semaine prochaine, lundi prochain. Bye. Hey, bye, Mathieu. Bye. Pour nous, eh bien, restez en onde parce qu'après ça, c'est Génie en liberté qui va être avec nous durant la prochaine heure et demie. Et là, je suis en train d'essayer de m'en aller sur le site internet de C'est fou en même temps que je suis en train de faire trois affaires pour aller voir la programmation de ce jeudi. Donc, exactement, Génie en liberté de 9h30 à 11h par la suite. Patriote en action va être en onde. La sortie de secours est à votre gauche. Je vais être en rediffusion à partir de 15h. L'Obtrotter à 16h, David. La meilleure émission au monde. Qu'est-ce qui nous attend dans ton émission? Évidemment, le top 5, mais aujourd'hui, j'hésite encore entre deux thématiques. OK, ben on va voir ça un petit peu plus tard dans la journée. Mais il risque d'avoir beaucoup de piano. Ah, excellent. Et un petit peu plus tard, eh bien, ça va être très blues à C'est fou à partir de 19h jusqu'à 22h. Tout ça sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Nous, on se dit à lundi prochain. Bonne journée. Bon café aussi, j'avais oublié de le dire. Et on va se laisser sur une petite toune comme ça pour que vous puissiez vous rendre à Génie en liberté tout en douceur. On va aller écouter Matt Vezio avec Réparer les départs. Bye tout le monde!